بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في السؤال 80 بعد 100. 180 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق. Donc il est interrogé quant au fait de nommer l'être humain comme étant un animal qui parle. Et en réalité, le mot hayouan, on peut le traduire comme étant être vivant également. Mais en arabe, quand on dit hayouan, le sens voulu, ce sont les animaux. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِنسَانِ كَمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَنْطِقِ وَلَيْسَ فِيهِ عِنْدَنَا عَيْبٌ لأنه تعريف بحقيقة الإنسان. Donc il a dit, le fait de nommer l'être humain comme étant un animal qui parle, comme l'ont cité les gens de la logique, المنطق c'est la logique, et dire que cela pour nous n'est pas un défaut, ce n'est pas un mal. Car c'est une définition qui est réelle. لَكِنَّهُ فِي الْعُرْفِ قَوْلٌ يُعْتَبَرُ قَدْحًا فِي الْإِنسَانِ وَلِهَذَا إِذَا خَطَبَ الْإِنسَانُ بِعَامِيًا فإن العامية سيعتقد أن هذا قدح فيه وحينئذ لا يجوز أن يخاطب به العامي لأن كل شيء يوصي إلى المسلم فهو حرام. Il a dit, cependant, donc là dans la définition réelle, cela est correct. Cependant, dans la coutume ou chez les gens, dans ce qui est répandu chez les gens, cela est considéré comme étant une offense envers l'être humain que de le nommer comme étant un animal. C'est pour cela que si tu parles avec une personne du commun, hein, il va croire que, en disant cela, que tu le diffames, en le comparant à un animal. Donc à ce moment-là, il n'est pas permis d'employer cette expression-là avec ce genre de personne. Car tout ce qui nuit ou qui offense les musulmans, réellement, cela est interdit. أَمَّا إِذَا خُوْتِبَ بِهِ مَنْ يَفْحَمُ الْأَمْرُ عَلَى حَسَبَ إِسْتِلَاحِ الْمَنَاتِقَ فَإِنَ هَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أنه فيه حياة وأن الفصل الذي يتميز عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق. Donc il a dit par contre, si tu parles à quelqu'un qui comprend ce genre de terminologie, alors il n'y a pas de mal, car il ne fait aucun doute que l'être humain est, comme on disait tout à l'heure, quand le mot hayouan, c'est une chose qui contient la vie. Donc l'être humain est un être vivant. Mais ce qu'il différencie des autres êtres vivants, parmi les créatures terrestres, ou même aériennes ou marines, les autres animaux, quoi, c'est que lui, il parle. C'est que lui, il parle. Et là-dessus, j'aimerais faire un tambi par rapport au kalam de Cheikh Othaymeen, qu'en réalité, la différence qu'il entoura entre l'être humain et les animaux, ce n'est pas la parole, c'est le aql. Que l'être humain, il a un aql, l'animal n'en a pas. Quand il y a des animaux, en réalité, ils ont le potentiel de pouvoir parler. Il y a des animaux, ils arrivent à prononcer des mots, à parler. Et ils ont leur langage à eux. C'est sûr qu'ils ne parlent pas comme l'être humain. Mais ce qui différencie l'être humain de l'animal, c'est le aql. Comme on dit, on a les malaïka, on a les êtres humains, et on a les animaux. On appelle les bahima. La différence qu'il y a entre les trois, c'est que le malaïka, ou le malak, les anges, ils ont un aql, une raison. Mais ils n'ont pas de shahawat, ils n'ont pas de désir. L'animal, lui, n'a pas de aql. Il n'a pas de raison, mais indahu shahawat, il a des désirs. Et l'être humain, lui, il a le aql, la raison, et les shahawat, et les désirs. Et par ce aql, justement, il contrôle ses désirs. Si c'est une personne qui est droite, bien sûr. Donc ce n'est pas seulement la parole qui différencie l'homme de l'animal, c'est le aql, la raison. Et c'est pour cela que l'être humain est le mukallaf, ainsi que le djinn également. D'accord ? Les djinns rentrent dans les mêmes caractéristiques que l'homme dans ce sujet-là. Sauf que nous, le djinn, on ne les voit pas sur leur réelle apparence. Mais également, ils ont une raison et ils parlent. طيب ولهذا قالوا إن كلمة حيوان جنس وكلمة ناطق فصل والجنس يعم المعرف وغيره والفصل يميز المعرف عن غيره. Donc c'est pour ça qu'on dit que le mot hayawan, c'est une espèce. Le mot hayawan, c'est une espèce. Alors que le mot natiq, c'est, on va dire, une forme de caractéristique. Donc, tous nous sommes des êtres vivants, on rentre dans le mot hayawan, mais nous avons des caractéristiques qui nous diffèrent. Comme on vient de citer là, entre, par exemple, les malaïka, entre les êtres humains, entre les animaux. Et le kalam, la parole, c'est un fossil, c'est une caractéristique qui, elle, vient pour différencier entre les spécimens. Et l'être humain a cette caractéristique-là que d'autres n'ont pas. Mais on a dit, avant cela, il a le aql, la raison. Naam. هذا الذي أخذنا من أهل السؤال اليوم ثم سئل في السؤال الثالث وثمانين بعد المئة. J'ai sauté deux questions car celle-ci ne concerne pas vraiment les francophones. Même celle-ci, mais bon, la basen tuzkar. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه العبارة الله يسأل عن حالك. Donc, qu'en est-il de cette expression qui est de dire que Allah interroge à ton sujet, يعني ta situation, ton sujet. Dans le sens, en fait, que le sens voulu de la personne, c'est que Allah veut doux envers toi. Naam. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى هذه العبارة الله يسأل عن حالك لا تجوز لأنها توهم بأن الله تعالى يجهل الأمر فيحتاج أن يسأل وهذا من المعلوم أنه أمر منكر عظيم. Donc il a dit, cette expression-là, que Allah interroge à propos de ton hal, ta situation, à ton sujet, cela n'est pas permis, car cela laisse entendre que Allah ignore la chose. Donc il a besoin d'interroger à son sujet. Et cela est une chose qui est immonde, de dire cela à propos d'Allah Azza wa Jal. قال والقائل لا يريد هذا في الواقع أي لا يريد أن الله يخفى أو يخفى عليه شيء ويحتاج للسؤال. Cependant, on sait que le questionneur n'a pas voulu ce sens-là, que Allah ne sait pas, il a voulu savoir. لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى وتوهم هذا المعنى فالواجب العدول عنها واستبدالها بأن تقول أسأل الله أن يعينك أو يعتني بك أو أن يلطف بك وما أشبه ذلك. Donc il a dit même bien que nous savons que le questionnaire n'a pas voulu ce sens-là, cependant cette expression laisse entendre cela. Donc il faut la délaisser. Et ce qu'il faut, c'est la changer par une autre expression qui est la plus claire, dans le sens que on dit par exemple, je demande que Allah prenne soin de toi, ou je demande que Allah soit doux envers toi. Car c'est ça le sens que la personne a voulu par Allah interroge ton sujet, c'est-à-dire que Allah veut doux envers toi, en réalité. Bon, maintenant, c'est vrai que chez les francophones, cette expression-là n'est pas employée. Mais bon, il se peut que quelqu'un l'entende un jour, quelqu'un qui parle un peu l'arabe l'entende chez les awam ou quoi, et il saura que le conseiller d'éviter d'employer ce genre d'expression. نعم هذا الذي أخذناه اليوم من هذين السؤالين فالحمد لله رب العالمين.